facile de s'en aller. Désemparé, depuis que tu m'as quitté, seul je traîne dans l'espoir de te retrouver. C'est pas un conte de fées, puisqu'il finit inachevé. Man and girl, man and girl, man and girl. Pourquoi m'as-tu jeté? Man and girl, man and girl, man and girl. Facile de s'en aller. En manque de toi, je fais pas le poids. Et même dans ma sonate, tu ne joues pas. Et je reste seul en souffrant. Personne pour m'aider. L'amour n'est pas un ange. Allez.